une fâcheuse chose si pour les sots discours l'on peut être mis, il fallait renoncer à ses meilleurs amis. Mais quand même, on pourrait se résoudre à le faire. Croiriez-vous obliger tout le monde à se taire? Contre la médisance, il n'est point de rempart. Bah, tous les sots caquets, n'ayons donc nul égard. Efforçons-nous de vivre avec toute innocence et laissons aux causeurs une pleine licence. Daphné, notre voisine et son petit époux, ne serait-il point ceux qui parlent mal de nous? Ceux de qui la conduite offre le plus à rire sont toujours sur autrui les premiers à médire. Ils ne manquent jamais de saisir promptement l'apparente lueur du moindre attachement, d'en semer la nouvelle avec beaucoup de joie et d'y donner le tour qu'ils veulent qu'on y croie. Des actions d'autrui teintes de leur couleur, ils pensent dans le monde autoriser les leurs. Et sous le faux espoir de quelques ressemblances aux intrigues qu'ils ont, donner de l'innocence, ou faire ailleurs tomber quelques traits partagés de ce blâme public dont ils sont trop chargés. Tous ces raisonnements ne font rien à l'affaire. On sait qu'Orante mène une vie exemplaire. Tous ses soins vont au ciel. Et j'ai su par des gens qu'elle condamne fort le train qui vient servir. L'exemple est admirable. Et cette dame est bonne. Il est vrai qu'elle vit en austère personne, mais l'âge dans son âme a mis ce zèle ardent, et l'on sait qu'elle est prude à son corps défendant. Tant qu'elle a pu des cœurs attirer les hommages, elle a fort bien joui de tous ses avantages. Mais, voyant de ses yeux tous les brillants baissés, au monde qui la quitte, elle veut renoncer, et du voile pompeux d'une haute sagesse, de ses attraits usés déguiser la faiblesse. Ce sont là les retours des coquettes du temps. Il leur est dur de voir déserter les galants. Dans un tel abandon, leur sombre inquiétude ne voit d'autre recours que le métier de prude. Et la sévérité de ces femmes de bien censure toute chose et ne pardonne à rien. Hautement, d'un chacun, elle blâme la vie, non point par charité, mais par un trait d'envie qui ne saurait souffrir qu'une autre ait les plaisirs dont le penchant de l'âge sevrait leur désir. Voilà les contes bleus qu'il vous faut pour vous plaire, ma bru. L'on est chez vous contrainte de se taire, car madame a jasé tient le dé tout le jour, mais enfin, je prétends discourir à mon tour. Je vous dis que mon fils n'a rien fait de plus sage qu'en recueillant chez soi ce dévot personnage, que le ciel, au besoin, la séance envoyée pour redresser à tous votre esprit fourvoyé, que pour votre salut, vous le devez entendre, et qu'il ne reprend rien qui ne soit à reprendre. Ces visites, ces bals, ces conversations sont du malin esprit toutes inventions. Là, jamais on entend de pieuses paroles, ce sont propos oisifs, chansons et fariboles. Bien souvent, le prochain en a sa bonne part et l'on y sait médire et du tiers et du quart. Enfin, les gens sensés ont leur tête troublée par la confusion de telles assemblées. 1000 caquets divers s'y font en moins de rien. Et comme l'autre jour un docteur dit fort bien, c'est véritablement la tour de Babylone, car chacun y babille, et tout du long de l'aune. Et pour conter l'histoire où ce point l'engagea, voilà-t-il pas monsieur qui ricane déjà? Allez chercher vos fous qui vous donnent à rire, et sans... Adieu ma bru, je ne veux plus rien dire. Sachez que pour séance, j'en rabats de moitié et qu'il fera beau temps quand j'y mettrai le pied. Allons, vous, vous rêvez et baillez aux corneilles. Jour de Dieu, je saurai vous frotter les oreilles. Marchons, gaupe, marchons!